Dès 1958, Jean-Charles Berton perçoit l'avènement d'une culture portée par la jeunesse et crée Disco Revue, le premier magazine musical qui lui est destiné. L'année suivante, l'émission de radio Salut les copains est créée par Franck Thénault, directeur de la publication de Jazz Magazine, et Daniel Filipacchi, tous deux animateurs de Pour ceux qui aiment le jazz, une autre émission sur Europe 1. Ils ont eux aussi flairé l'émergence d'une culture jeune en France et la conversion de la jeunesse à la société de consommation. Au cours de l'été 1962, l'émission de radio est déclinée en un magazine qui vient bousculer son prédécesseur, Disco Revue, dont la politique n'était pas de développer un quelconque culte de la personnalité, mais plutôt le fait de passionner de rock'n'roll. Le titre de l'émission et du magazine mensuel « Salut les copains » joue intentionnellement sur le pouvoir d'identification qu'ont ces nouvelles idoles sur les jeunes, l'interjection s'adressant directement à leur public en employant leur propre langage. Au temps des yéyés, le rock, même s'il est transformé en un twist tout aussi énergique, mais jugé moins dangereux, accompagne la rupture générationnelle. Il devient un repère culturel fort pour une jeunesse à qui on adresse enfin et qui peut s'affirmer en tant que telle et vivre intensément, d'autant plus qu'elle est une clientèle nouvelle pour les maisons de disques et groupes de presse. Le lancement du magazine Salut les copains SLC pour les habitués est d'ailleurs à l'origine une parade pour trouver de nouvelles ressources financières afin d'assurer la pérennité de la revue mère, Jazz Magazine, le jazz étant alors en perte de vitesse en termes de popularité. La parade obtient un tel succès que Franck Thénault et Daniel Filipacchi regrettent de ne pas avoir fixé à Salut les copains un prix de vente plus élevé. SLC s'installe pour quelques années un monopole écrasant en termes d'image et de popularisation d'idoles et contribue à installer les piliers de la musique populaire française. Certains tombent vite dans l'oubli, à chaque mouvement musical son lot, d'autres vont squatter les plateaux télé pendant des décennies. Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Claude François. Cette période connaît son apogée le 22 juin 1963, lors de la Nuit de la Nation, un concert gratuit organisé par SLC. Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Eddie Mitchell, Richard Anthony et Daniel Gérard chantent devant une foule de 150 000 jeunes, le premier rassemblement d'une telle ampleur. We'll be right back. Ce mouvement de jeunesse n'a qu'un seul but, se divertir, dévier son attention des réalités grises. Les yéyés éludent les opérations de maintien de l'ordre, entre guillemets, dans la province française d'Afrique du Nord, une guerre d'Algérie qui ne dit pas son nom et prend fin en 1962. Cette année-là, Colette Magny est choquée par un combat de rue sous sa fenêtre entre partisans de l'Algérie française et membres du FLN, choc qui est à l'origine de sa prise de conscience politique. L'année suivante, elle enregistre un premier 45 tours pour CBS, Mélocoton, dans son style blues très personnel, premier 45 tours et premier succès en avril 1963. Elle partage l'affiche de l'Olympia avec Sylvie Vartan et Claude François. Mais le blues de Colette Magny, expression directe d'une conscience politique profonde, passe de moins en moins bien auprès de CBS, d'autant qu'elle pense alors enregistrer une chanson intitulée « Le mal de vivre, Cuba, le contrat n'est pas prolongé ». Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotone, où est la maman? J'en sais rien, viens donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours contente. J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnelle est grande, presque comme maman, pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Si l'Algérie est un sujet que l'on évite dans le milieu du divertissement, les Twisters ne peuvent cependant pas, sauf numéro de comédien convaincant, se soustraire au service militaire qui, après la guerre d'indépendance algérienne, repasse de 24 à 16 mois, et à 12 en 1970. Les appelés sont pour beaucoup intégrés aux forces françaises en Allemagne, très présentes pour cause de guerre froide, et ne peuvent revenir que lors de rares permissions. Beaucoup de groupes de l'air yéyé voient leur ascension interrompue par l'appel sous les drapeaux, redouté, mais que l'on ne peut pas ouvertement remettre en question. La contestation d'un des piliers de la République ne se fait pas aisément lorsqu'un général est à la tête du pays, d'autant plus que selon l'arsenal juridique, tous les citoyens sont assujettis de défense. Une loi de décembre 1963 promulgue enfin le statut d'objecteur de conscience, qui peut être civil à partir de 1966, mais toute propagande pour inciter à avoir recours à cette loi est interdite. Une disposition qui sera elle-même la source de moult manifestations, procès et grèves de la faim au début des années 70. Et pour finir ce Lost in Space où il n'y aura pas eu de concert, comme vous avez pu le remarquer, on va achever avec quelques extraits trouvés sur Internet, en fait, d'un classement des meilleurs singles des années 1980. Donc là, on n'en a pris que certains, parce qu'en fait, le classement, c'était une centaine. Donc sinon, il en aurait fallu 25 heures d'émission pour passer tout ça. Et on commence tout simplement avec Police. Il y aura Rem, Suzy, Tom Waits, Sonic Youth, The Nation. Et c'est parti. Sorry, sorry, Things are pretty lousy for a cat. calendar girl. The boys just dive right off the cars and splash into the street. And when they're on a roll, she pulls a razor from her boot. And a thousand pigeons fall around her feet. So put a candle in the window and a kiss upon his lips. There's the dish outside the window filled with rain. Just like a stranger with the weeds in your heart. And pay the fiddler off till I come back again. Oh, it's time, time, time. It's time, time, time. And it's time. Time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time. Naked with us. She can't hurt. She don't mean no harm. She just don't know what else to do about it. Jane said. Jane said. twist and turn away. If you tear yourself into again, if I could, yes I would, if I could, I would let it go. If I could throw

Le jeu vidéo SimCity n'est pas un bac à sable. Ses règles reflètent la conception néolibérale de la planification urbaine contemporaine. Le monde de ce simulateur d'urbanisme à succès est peuplé d'agents Sims, des petits soldats désintéressés, travaillant partout où on a besoin d'eux, comme le dit leur concepteur. Une vision simplifiée, mais lucide, de la précarisation des travailleurs parcourt le jeu et habitue les joueurs à leur propre aliénation. Au-delà, le jeu sert aussi de source d'inspiration aux avant-gardes technophiles de l'architecture et de l'urbanisme, qui rêvent de villes transnationales démontables et portables. Au final, la cité se réduirait à un jeu de pixels dirigé par un système d'exploitation. La production de valeur dans ces smart cities serait fondée sur nos données et celle des objets connectés entre eux dans une gigantesque informatisation et monétarisation de la ville. Il était une fois un ingénieur brillant, répondant au nom de Trurl, qui construisit un royaume miniature pour le dictateur déchu et désabusé d'une autre planète, afin qu'il le gouverne à sa guise pour le restant de ses jours. À une si petite échelle, le despote pouvait laisser libre cours à ses aspirations autocratiques, sans porter atteinte aux aspirations démocratiques de ses anciens sujets.